Pirin est pour tous les âges. Le mois multi, c'est plus de 24 jours de festivités regroupant 50 artistes de 7 pays. C'est 20 spectacles et performances hors du commun, 12 installations technologiques gratuites et 4 nuits endiablées à la cuisine. Prépare-toi Québec, le mois multi éveille tes sens du 2 au 25 février. Moismulti.org. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine radio en arts visuels à Québec. C'est Audrey Caro cette semaine à l'animation de cette édition du 16 janvier et c'est avec plaisir que je vous retrouve à ce micro. Au menu cette semaine, beaucoup de choses très différentes. On a tout d'abord en première partie une rencontre avec des artistes de bande essai qui va débuter cette semaine donc à la Galerie des arts visuels. Sinon, on a des nouvelles de la Galerie 3 qui a notamment inaugurer un partenariat avec le Café et Buvette Le Renard et la Chouette. On va en discuter un petit peu plus tard en deuxième moitié d'émission avec Norbert Langlois ainsi que Louis B. Trudeau. Et on va discuter avec Héloïse Plamondon-Pagé que vous connaissez comme, comme une chroniqueuse ici à l'aérospatiale, mais certaines de nos chroniqueuses sont aussi artistes, bien sûr, et elle présente actuellement l'air du temps à la Galerie Engram. Elle va venir nous parler de cette exposition qu'elle a préparée pour vous, cher public, bien sûr. Et comme toujours, on va terminer avec l'agenda de la semaine, donc les événements à ne pas rater cette semaine. On va débuter avec une pause audio, donc une sélection de Simon Roy, toujours cette semaine. Un artiste qui, à vrai dire, le nom est quand même un beau clin d'œil à quelque chose de très populaire, Walt Disney et Chromatic. Et dans le fond, Walt Disney, on n'est pas du tout dans l'univers de Walt Disney, je vous le dis. On est dans la musique électronique. Certains extraits sont pas loin de la musique MIDI. Enfin, vous allez voir une panoplie assez large que remplit cet artiste-là. On s'en va écouter un premier extrait de l'album Voodoo Stellar, All Shall Be Well. Thank you. On débute cette émission en vous parlant, comme à chaque année, à cette même période, de l'exposition Banc d'essai qui est présentée à la Galerie des arts visuels. C'est en fait une exposition dédiée à la relève en arts visuels des étudiants au baccalauréat de l'Université Laval pour nous faire découvrir de jeunes talents hein, qui sont encore aux études, mais qui retiennent l'attention, bien sûr. Et cette année, c'est une édition toute féminine, un trio de jeunes femmes, Joël Henry, Élise Paquiri, et Catherine Robitaille, qui ont été sélectionnées par le jury, hein, bien sûr, de la Galerie des arts visuels. On a aussi Lisanne Nadeau qui est en studio avec nous, la directrice de la galerie. Bonjour, Audrey. Alors, voilà, on va débuter aussi peut-être en présentant le travail que chacune effectue parce que cette exposition-là va débuter ce jeudi à la Galerie des arts visuels. Donc, j'ai eu l'occasion ce matin d'aller jeter un petit coup d'œil en montage à l'exposition. On va commencer peut-être avec Catherine. Mm-hmm. Bonsoir, Catherine. Bonsoir. Alors, toi, on va peut-être y aller chacune avec votre pratique, qu'est-ce que vous faites, puis un peu ce que vous avez à nous présenter aussi à la galerie. Donc, Catherine, toi, tu travailles beaucoup dans l'autoreprésentation, mm-hmm. mais ce, sous diverses formes, vidéos, photos, enfin, parle-nous-en un petit peu plus de peut-être de cette démarche artistique. Oui, c'est ça. En fait, majoritairement, ce que je fais s'articule autour de textes, de récits, à savoir un petit peu plus intimes. Ça touche un peu à plusieurs pratiques, à plusieurs disciplines, en fait. J'ai une pratique quand même assez constante en dessin, mais dernièrement, j'explore vraiment ce qui est vidéo, ce qui est photo, tout ça. Puis, j'essaie progressivement aussi d'inclure le texte. Fait que c'est sûr que c'est la base, c'est la source, mais j'essaie de l'incorporer aussi petit à petit. Oui. Et c'est intéressant parce que tu parles de vidéo, mais tu travailles avec des technologies qu'on pourrait juger un peu plus obsolètes. Mm-hmm. Donc quoi exactement? En fait, c'est sûr que j'exploite beaucoup en ce moment la caméra VHS. J'ai commencé à toucher à ça. Puis aussi l'argentique, la photographie argentique. Puis j'ai l'impression que d'une certaine façon, ça vient contribuer un peu à l'ambiguïté que j'essaie d'explorer. En fait, un univers un petit peu plus glauque, un petit peu plus sombre, qui justement se traduit bien au travers ce type de technologie-là. Oui, et bien, allons-y justement vers ce que tu vas présenter à la galerie, parce que c'est vraiment très représentatif, effectivement, ces différentes œuvres hein, qu'il faut quand même souligner. On en parlait tout à l'heure à la galerie ensemble, qui sont des fois des projets un petit peu, des projets scolaires que vous avez élaborés au cours de vos études, mais que là, vous replacez, vous remettez en contexte, puis retravaillez aussi par la même occasion qui sont là. Et il va y avoir notamment donc, une série de photographies, Catherine, où tu as utilisé, oui, une caméra, comme une vieille caméra argentique, un peu comme on avait dans les années 90, Exactement. Si je peux dire, là, ici. Et c'est une histoire qui nous est racontée où il y a du texte à l'intérieur des images que tu présentes. Mm-hmm. Oui. Oui, fait que c'est ça. C'est vraiment un texte, encore une fois, comme je le mentionnais tout à l'heure, à savoir un petit peu plus intime. Puis c'est un projet que j'avais réalisé, en fait, l'hiver passé, un peu sur le side, si je peux me permettre l'expression. Fait que c'était pas dans le cadre scolaire ou quoi que ce soit, okay. mais j'ai vraiment décidé de présenter ce projet-là parce que j'avais un peu confiance en lui. Puis je l'ai vraiment peaufiné aussi depuis. À la base, c'était un texte en anglais, j'ai traduit le texte, j'ai scanné les négatifs, tout ça. Fait que j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus abouti. Mm-hmm. Je crois. Et il y a aussi quelque chose d'assez poétique aussi au travers de ce texte qui dans le fond, qui se trouve à l'intérieur des images. Aussi, on en parlait tout à l'heure, là, mais quelque chose aussi de l'ordre du rêve, en quelque sorte. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est basé sur l'idée un petit peu justement poétique que quand on s'endort en tenant la main de quelqu'un, on partage les mêmes rêves. Fait que j'utilise un peu ça comme base, puis je viens exploiter justement la métaphore un peu avec des symboles un petit peu plus violents, un petit peu plus tragiques aussi. Mais c'est vraiment un univers un peu dans lequel j'évolue en général. Oui. Et dans les... Il va y avoir aussi une partie vidéo. On en parlait, une petite installation vidéo, mais aussi une projection. Et tu te mets en scène. Donc, on parlait, oui, d'auto-représentation, mais comme tu le soulignais, c'est quand même des actions qui peuvent être troublantes hein, aussi, mm-hmm. où tu mets ton corps à risque, en quelque sorte. Oui, ben c'est ça, en fait, c'est tout le temps dans l'idée un peu de tourner métaphoriquement ce que j'essaie de présenter. C'est sûr que, tu sais, c'est ça, le texte en tant que tel, la base, est composer avec ce type d'idée-là. Fait que je présente ces actions-là, mais c'est vraiment dans une idée un petit peu plus poétique aussi, mais tout le temps dans un univers un peu plus, je dirais pas violent, mais qui connote un peu le sabotage de soi, je dirais. Mm-hmm. Puis on est aussi un peu dans le côté, si on y va plus du côté de l'imagerie populaire, dans l'horreur, en quelque sorte, des petits codes. Enfin, pour les amateurs de films d'horreur, il y a quand même quelque chose qui touche à ça. Il y a pas de... On est plus dans la suggestion, je pense, que dans... On n'est pas dans, justement, l'horreur, là, où on voit tout, le glauque, le dégueulasse, là, en quelque non, sorte. Non, c'est ça. Il n'y a pas présence de sang du tout dans mes trucs. Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est quand même troublant quand on le regarde. C'est questionnant aussi. Je pense qu'on se questionne peut-être face à nos propres limites. Est-ce que ça se peut aussi? Oui. Bien, c'est certain que le côté un petit peu plus mystérieux puis un petit peu plus ambigu se traduit bien par, justement, les symboles puis les éléments un petit peu plus forts que j'utilise, comme les masques, l'anonymat puis tout ça. Fait que, oui, tout à fait. Oui. Super. Et en même temps, dans certaines de ces vidéos-là aussi, je pense notamment à la vidéo Angel, où c'est toi qui es là, mais tu portes un masque en même temps. Il y a ça aussi dans la quand on parle en l'auto-représentation, mais tu parles d'anonymat, on ne reconnaît pas, enfin, à moins de te connaître très personnellement, on ne te reconnaît pas, tu cherches toujours à masquer un peu ton identité. Là, il y a un masque, mais aussi dans certaines vidéos, tu as des bandages autour de la tête. Pourquoi ou juste tu veux te dissimuler en quelque sorte? Bien, je pense que d'une certaine manière, ça vient un peu contribuer au côté vraiment, justement, mystérieux, ambigu de ce que j'essaie de présenter. Ça contribue vraiment, en fait, à partager le sentiment, le contenu. Puis, je pense qu'aussi, ça vient d'une sorte de gêne un peu de me présenter vraiment comme à nu en vidéo puis en photo. Fait que c'est ça. Progressivement, en fait, justement, j'essaie de me dévoiler un petit peu plus, mais ça demeure encore un peu dans la question de l'anonymat. Oui. Bien, merci beaucoup, Catherine. En fait, un travail très, très intéressant. Puis aussi, peut-être souligner, j'ai oublié de l'évoquer, mais il va y avoir aussi un aspect sonore dans cette installation vidéo à plusieurs téléviseurs là, qui va être au bord. Donc, vraiment une panoplie, si on peut dire. On va être assez, comment dire, touché par nos sens, vont être différemment touchés aussi avec cette installation-là. Merci. Allons-y avec Joël. Bonsoir, Joël. Bonsoir. Alors, toi, tu es une sorte de glaneuse d'objets, hein? Je pense, une collectionneuse. Est-ce qu'on pourrait y aller comme oui, ça? Oui, la collection, c'est... J'affirme que la collection, c'est vraiment quelque chose de significatif là, dans mon travail. Donc. Oui, puis c'est quand même... Oui, on parle d'objets, mais ce ne sont pas nécessairement des objets dans leur entièreté tout le temps. Il y a des fragments d'objets oui, aussi. Il y a des bribes, en fait. Je m'intéresse, en fait, à la trace humaine qui est laissée dans des étendues, dans des lieux habités, délaissés. Puis, justement, j'essaie de garder ces fragments-là comme une trace signifiante qu'il y a eu quelqu'un, là, en fait. Et comment tu utilises ces objets-là dans ton travail pour les réintégrer ou les réinterpréter? Qu'est-ce que tu cherches? Oui, il y a l'idée de trace, mais qu'est-ce que tu cherches quand tu les replaces dans une installation comme on veut voir? Il y a un aspect quand même scientifique puis limite anthropologique dans ce que je fais. Donc, le placer, puis il y a quand même un désir d'esthétisme de montrer ces objets-là comme beau, comme intéressant, malgré le fait que à la base, c'est un rebut, en fait. Puis, il y a justement... ils deviennent des sujets de recherche, des spécimens. Donc, j'aime les étudier, j'aime qu'on les place, puis que j'aime leur donner de l'intérêt, dans le fond. C'est une sorte d'archéologue, en quelque sorte, du présent. Oui, c'est ça. Il y a un peu l'effet de jouer un rôle, puis de faire ça compulsivement, là, cumuler sans cesse. Oui. Et effectivement, c'est comme tu le disais, quand on regarde les objets, on voit qu'il y a un souci dans la manière qu'ils sont placés. Des fois, il y a une ligne ou des relations avec les couleurs aussi qui s'établissent. Hein, parce qu'il faut quand même le dire aux auditeurs, faut être attentif aussi quand on a ça devant nous aussi. Je pense que ça amène le visiteur à prendre le temps aussi. Oui, c'est ça. C'est quand même contemplatif comme travail, je pense. Il faut s'abandonner. Puis il faut... quand je trouve un objet, j'aime ça, voir que j'ai jamais vu ça ailleurs. C'est vraiment, ils ont chacun leur identité. C'est quelque chose de complètement nouveau. Puis ça suscite un émerveillement, je pense, qui est commun à tous ceux qui regardent l'objet. Oui. Et Lisanne me disait que tu viens de Chandler, oui, donc le petit côté aussi, si on peut dire, marin est très présent aussi, je pense, dans les objets des fois aussi que tu collectionnes. Oui, on peut pas nier ça. Puis je pense qu'il y a de quoi d'intérêt. Moi, je trouve que c'est d'intérêt de faire des espèces de voyages, puis de tout le temps ramener quelque chose avec moi à Québec, de chez nous, puis ça motive vraiment mon travail puis mon évolution artistique. La mer a toujours été là, puis j'aime témoigner du fait que la mer, c'est un endroit habité. La plage aussi, qu'il y a des gens qui habitent là, puis c'est ce qui me motive, en fait. Oui, puis la mer, des fois, nous apporte des traces aussi, d'autre part, pas seulement local, mais aussi il peut y avoir des belles surprises que la mer nous apporte en même temps si on est le moindrement attentif. Également, tu combines ces objets-là à des dessins que j'ai trouvé fort intéressants. Donc, de simples dessins de ces objets aussi. Si on est assez attentif, on va faire un lien avec ce qui se trouve au mur, là, juste derrière les objets. Oui, la notion d'énigme est encore présente, là. Quand on s'attarde uniquement à la forme de l'objet, ben en fait, dans le dessin, c'est des formes qui sont quand même simples, qui sont faites pratiquement instinctivement. Là. Il y a pas de, c'est sûr qu'il y a un certain souci de faire un dessin d'observation, mais en soi, c'était plus pour encore là garder une trace de l'objet. C'est tout le temps la trace. Puis, c'est des dessins qui se suivent puis qui peuvent s'amalgamer, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on peut quand même les détacher de cette collection-là. Ils se tiennent, ils sont singuliers ensemble. Oui, puis ce qu'il y a de particulier, bon, oui, tu le disais, ils sont simplifiés, hein, parce que le but n'est pas de faire une représentation fidèle à l'objet, mais quand même, on en saisit tout de suite de quoi il s'agit, puis on peut même faire la relation là, en galerie, avec les objets qui sont présents. Mais moi, ce qui m'a fascinée aussi, c'est le choix du papier sur lequel tu as représenté ces dessins-là. Pourquoi ce papier-là, au juste? Ben, en fait, c'est un papier qui a été aussi trouvé, c'est le hasard. Puis, il y a aussi le fait que les matériaux avec lesquels je travaille, les débris, en fait, c'est pas des matériaux qui sont nobles. C'est justement des trucs qu'on sent qu'il y a une certaine fragilité. Puis, ce papier-là, un peu comme les objets, j'ai l'impression qu'il a comme perduré dans le temps parce qu'on voit qu'il est vieux, qu'il est jauni, mais dans le fond, il y a encore une utilité comme les objets. Puis je trouve aussi que ce papier vient ajouter à cette idée, oui, d'archéologue, de dessin, d'observation aussi, parce que, faut le dire aux auditeurs, c'est un papier qui, dans le haut, est vide. Puis après ça, il y a des lignes, mais ces lignes-là ne sont pas remplies. Non, c'est ça. Il y a la suggestion d'un écrit. Il y aurait pu avoir une description, un nom. J'aime aussi souligner que ces lignes-là, moi, je trouve que je vois l'eau avec ces lignes-là. Je vois un horizon, il y a une ligne qui est tracée, puis je les trouve... Ben, en tout cas, bon choix, puis je suis très d'accord avec toi aussi que ces dessins-là peuvent être aussi pris à part entière également, mais avec les objets, ça vient encore plus contextualiser puis donner une force, je pense, à tout l'ensemble, aussi une cohérence, et ça ajoute beaucoup à ça. Bien, merci beaucoup, Joël. Merci beaucoup. Élise, voilà, toi, tu as une pratique aussi... multiforme, hein, quand même, mais une pratique qui est à la fois proche de pratiques ancestrales, archaïques. On pense notamment à ces petites statuettes qu'on trouve, ou à l'artisanat aussi. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton travail? Oui, en fait, mon travail, en tout cas ma démarche artistique, est plus axée sur la valorisation des objets, des matériaux ou des figures, des symboles d'anciennes civilisations. J'essaie en fait de les recontextualiser dans justement une époque plus contemporaine, m'approprier ou réinterpréter l'art primitif. C'est ça, pour nous inviter à nous questionner sur nos propres croyances ou l'actualité, en fait. Oui, sur le corps de la femme aussi, parce que si on y va peut-être vers une des pièces que tu présentes à l'exposition, c'est une petite installation qui est constituée de statuettes de femmes, finalement, mais des représentations très, très primitives, comme tu le disais. C'est ça, en fait. Ce projet, il relève beaucoup sur la sacralisation de la figure féminine. Donc tout de suite, on voit une certaine opposition entre justement mes petites statuettes qui présentent une féminité très primitive, où les traits peuvent paraître grossiers avec une très grosse poitrine ou justement la zone abdominale pelvienne qui est vraiment mise en valeur, justement qui contre cette féminité plus actuelle qui est de plus en plus controversée due à une extrême sexualisation de la femme par exemple. Donc finalement, cette féminité schématisée que je présente, elle est là pour déconstruire le monde du parfait féminin actuel. Oui, puis on est loin de la représentation qui serait vers l'érotisme ou la pornographie, mais on est plus dans le côté, moi je trouvais quasi un petit peu anthropologique, puis en même temps dans le côté, comment dire, des rites aussi, en quelque sorte, de ces sociétés-là. Est-ce que je me trompe? Totalement. On peut facilement faire le lien avec les Vénus paléolithiques qu'on a trouvées, par exemple, dans le sud de la France. Et c'est ça, en fait, ces Vénus-là, de par leur position, à la fois, il y a un dévoilement d'intimité avec justement ces corps qui nous font face. Donc il y a une certaine vulnérabilité, mais en même temps, il y a une puissance qui rayonne de par justement les positions qui sont justement très affirmées. Oui, affirmées, puis très évocatrices aussi de la féminité, oui, hein, du corps, de ce que le corps de la femme aussi peut faire. En même temps, notamment, moi, j'ai vu pas une qui est dans l'exposition, mais une petite statuette, moi, qui me faisait penser, évoquer la naissance, notamment, hein, toute cette particularité du corps de la femme aussi. Et tu as créé un petit univers aussi très intimiste pour présenter ces statuettes-là. C'est ça. Forcément, quand on essaye de magnifier un objet qui peut nous paraître distant, on est obligé de réfléchir à l'espace qui nous entoure et l'espace qui va entourer l'objet, parce qu'on ne veut pas justement être perturbé par des éléments qui pourraient justement nuire à la relation entre le spectateur et l'objet. Donc j'ai créé une cabine avec des bancs de tissu qui nous permet de rentrer par les arêtes. Ça crée vraiment un espace qui est limite rempli d'ambiance hiératique. Ça sacralise énormément les petites statuettes. Puis ça crée un rapport de proximité aussi. Totalement. Une relation très, très intime avec ces pièces, justement. Et sinon, tu présentes aussi un diptyque de photos, donc deux images où on voit un personnage humain avec un gros masque en carton. Est-ce que tu peux nous en glisser un mot? Moi, j'ai trouvé assez énigmatique cette œuvre-là. Oui, encore une fois, je reprends un symbole phare de certaines civilisations, comme celle qui est gréco-romaine, la civilisation gréco-romaine, où justement, le masque ici, c'est clairement une façade, ça cache l'essence même de la personne, les émotions, en les replaçant par d'autres qui sont artificielles. Donc encore là, ça peut questionner le dévoilement de soi. Est-ce qu'on est toujours honnête, enfin, est-ce qu'on est toujours transparent avec l'entourage qu'on a, ou... C'est ça. Et tu as appliqué aussi un filtre. Si on est attentif, on voit il y a une teinte qui est là, principale dans cette image-là, le bleu. C'est un filtre en fait qui sert à théâtraliser, à dramatiser un peu la chose, parce que le masque en carton que porte la personne sur ses photos, clairement il y a un certain contraste entre justement ce masque qui est surexpressif, monstrueux, et justement le corps qui est complètement déshumanisé, qui limite subit ce masque. Donc vraiment je voulais dramatiser la chose en appliquant un filtre très froid, très bleuté, Oui, c'est ça, théâtraliser, en fait. Oui. Puis il y a quelque chose aussi de contrastant par rapport, oui, à cette figure un peu, si on peut dire, qui rappelle, oui, la figure du monstre, mythologie, mis dans un contexte contemporain aussi. Là, on reconnaît des lieux qui nous sont familiers aussi, où ce personnage-là se trouve. C'est ça, oui. Les lieux, c'est la fabrique, c'est l'édifice de la fabrique. Puis c'est vraiment... j'ai pas cherché, admettons, à bien ranger, nettoyer le lieu où était la personne. J'ai vraiment voulu rester très directe, très... Oui, c'est ça. Oui. Et sinon, il y a aussi une autre pièce, un projet que tu me disais plus personnel que tu présentes, un projet de broderie. Est-ce que tu peux nous en glisser un mot? Oui, j'ai fait trois petites broderies qui sont toutes les trois en relation. C'est finalement une sorte d'allégorie d'un certain mal-être, je dirais, où justement le mal-être serait la figure du petit monstre domestiqué, la personne qui l'entretient serait la petite fille innocente, puis finalement le jardin luxuriant, ce serait comme cette relation des deux personnes, des deux personnages qui sont... qui est cultivé, en fait. C'est un jardin luxuriant, vraiment cultivé. On n'aime pas ce mal-être, mais en même temps, on l'entretient, on le garde avec nous. Mm-hmm. C'est ça. Et puis moi, je vous invite, chers auditeurs, aussi à porter attention à comment la broderie, moi, ça me fascine toujours, c'est un médium que j'adore, mais comment la broderie vient aussi tirer le tissu, créer du mouvement, un peu de relief aussi, des lignes même à certaines occasions. Vraiment, c'est un travail qui est venu beaucoup me chercher. Puis en même temps, je trouve que quand on regarde aussi les projets que vous présentez, il y a vraiment des fils, des ponts qui se font au travers de vos pratiques, malgré qu'elles sont très, très personnelles, très propres à vous. Si on est attentif, il y a vraiment de beaux liens qui se créent entre vos pratiques, bien qu'elles soient différentes. En fait, ça vaut vraiment le détour. Je vous invite à aller voir parce que c'est une belle mouture, je trouve, de banc d'essai. Et peut-être rappeler aussi aux auditeurs que aussi avec l'événement, la bourse du fonds Grant Mathieu qui est remise aux trois artistes pour les aider. Donc, un artiste qui a voulu léguer de l'argent pour soutenir la relève. Donc, voilà, c'est quand même très intéressant. En plus d'une exposition dans un contexte professionnel, bien, vous recevez une bourse aussi au travers de tout ça. Enfin, bravo, bravo d'avoir déjà été sélectionnées, les filles. Félicitations. Merci. Et puis, merci. Bien, je vous invite, bien sûr, chers auditeurs, à aller voir cette exposition donc qui va débuter ce jeudi 18 janvier à 17h et c'est jusqu'au 4 février. Donc, c'est une très courte période. Donc, ne manquez pas ça à la Galerie des arts visuels sur le boulevard Charest. Alors, merci beaucoup, mesdames, et bonne exposition à la galerie. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous, on va aller faire une pause publicitaire et on revient de l'autre côté pour parler de la Galerie 3. CKRL 89.1. Kikuna et bonsoir, shérif, à la Ninkasi. Premier bar à bière artisanale de Québec, la Ninkasi célèbre son 11e anniversaire avec Kikuna en spectacle samedi 27 janvier dès 20h. Après avoir été vivement applaudi des deux côtés de l'Atlantique, Kikuna présente son nouvel album Bonsoir Shérif. L'auteur-compositeur-interprète fera vibrer la Ninkasi avec un nouveau spectacle incisif sur scène. Bonsoir Shérif à la Ninkasi, samedi 27 janvier. 20$ en pré-vente, 25$ à l'entrée. Billets disponibles à la Ninkasi ou sur lepointdevente.com. La Ninkasi, 811 rue Saint-Jean, ninkasi.ca. Le mois multi, salle 10, c'est un mois d'art multi. Audacieux, immersif, inspirant et pour tous les âges. Le mois multi, c'est plus de 24 jours de festivités regroupant 50 artistes de 7 pays. C'est 20 spectacles et performances hors du commun, 12 installations technologiques gratuites et 4 nuits endiablées à la cuisine. Prépare-toi Québec, le mois multi éveille tes sens du 2 au 25 février. Moismulti.org. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale sur les ondes de CKRL 89.1 et je suis en compagnie de Norbert Langlois. Bonsoir, Norbert. Allô, Audrey. Alors, on avait envie de parler à l'émission un petit peu de la Galerie 3 parce qu'il y a des projets en cours, des partenariats que la Galerie a mis sur place, sur pied plutôt, au cours de la dernière année. Et on avait envie d'en parler parce qu'aussi, il y en a un nouveau qui s'en vient là incessamment. Mais commençons justement par des partenariats qui ont eu lieu déjà au cours de l'année 2017. Je pense notamment avec le théâtre Périscope. Oui, effectivement, où on avait présenté des œuvres en rapport avec le spectacle L'art de la chute, qui était présenté là par Nuages en pantalon. On a fait toute une sélection spécialement pour ça. Ensuite de ça, on a eu, avec qui d'autres, on a eu des partenariats. On a aussi avec le consulat général des États-Unis, hein, aussi, c'est intéressant ça. Oui, bien ça c'est une belle rencontre qu'on a été présenté finalement à la consule et puis ça a cliqué. On s'est vraiment bien entendu, on a eu du fun. Elle, finalement, il y a beaucoup de visiteurs qui passent au consulat. Puis, on lui a proposé d'installer des œuvres d'artistes de la Galerie 3 au consulat. Puis, les gens peuvent les voir quand ils y vont. On a laissé un petit guide sur place qui explique les œuvres. Ça peut être consulté. Les œuvres peuvent être achetées dans un contexte comme un consulat. J'avoue que, bon, ça n'a pas tant stimulé les ventes pour l'instant, mais c'était pas le but unique. Je pense que le but derrière ces partenariats-là aussi, c'est de créer des liens, rencontrer du nouveau monde. Donner de la visibilité aussi aux artistes, à une autre, notamment avec le consulat, un autre public aussi. Certainement, oui, tout à fait. Oui, à un autre public qui les verrait pas d'une autre façon. Tu as tout à fait raison. Puis aussi, en faisant ça, moi, avec ces gens-là, ça me fait rencontrer d'autres gens qui peut-être vont finir par venir à la galerie. Moi, ça me donne... C'est un partage, là. Ça va pas juste dans un sens. Moi aussi, je gagne des choses comme être humain dans ces relations-là. Oui, c'est certain. Puis en plus, pour le consulat, ce qui était intéressant, vous aviez une petite contrainte dans la sélection des œuvres. Oui, c'est sûr que... Bon, c'est pas une grosse contrainte, mais quand même. Pour eux, il fallait que les œuvres soient un lien d'une façon ou d'une autre avec les États-Unis. Puis on a trouvé, finalement, ça a été assez facile, je dirais, tu sais, parce que, par exemple, Doyon Rivet, il y avait une navette spatiale qu'on voyait. Mathieu Vallade, lui, était inspiré des œuvres de Sol Lewitt. Un artiste américain influent. Ouais. Je pense aussi à Amélie Proulx qui avait réalisé des œuvres. Qui ont été faites chez Kohler aux États-Unis dans une usine, une résidence qu'elle a gagnée là-bas. Oui, c'est ça. Puis c'est ceux qui font les accessoires de bain, là, de salle de bain, là, justement, les lavabos, les vanités. Oui, c'est ça, exact. Donc, il y a tout ça. Fait que c'est intéressant. J'ai aussi, excuse-moi, mais j'ai aussi, il y a aussi avec Camellia Sinensis maintenant, qui vont servir le thé. À tous les vernissages, on va commencer par servir du thé, puis ensuite de ça, on va servir du vin pour commencer la soirée tranquillement, puis offrir un choix aux gens aussi. Oui, oui. Et là, il y a un partenariat que vous venez de développer dernièrement ici avec quand même une icône, si on peut dire, dans le milieu de la restauration à Québec, Le Renard et la Chouette. Ouais. Et pour en parler, on a Louis B. Trudeau en notre compagnie. Bonsoir. Qui, lui aussi, est une icône. Hey, bonjour. Donc, voilà, propriétaire du Renard et la Chouette, mais aussi du Pied Bleu également à Québec, des restaurants phares et de Québec. Et de Natois aussi. Oui, vraiment un empire de plus en plus de restaurants, Louis. Donc, parlez-moi un petit peu, comment ça s'est initié tout ça, ce beau partenariat qu'on va présenter ce soir? Écoute, premièrement, tu sais qu'on est des gens quand même un peu festifs dans le milieu des arts. Alors, il y a une soirée où j'étais avec Jasmin Bilodeau, puis on est arrêté au Renard et la Chouette, puis on a commencé à manger, puis prendre un petit verre, puis Louis est arrivé, on se connaît bien, on est des bons amis. Puis on a eu toute une discussion, finalement, au niveau de l'art, mais aussi de... Moi, pour moi, ce que c'était la nourriture, puis de la façon dont eux la font, il y a un raffinement, il y a des produits de qualité, il y a toute une réflexion avant de faire une assiette dans l'assiette elle-même, il y a des harmonies ou des contrastes, où je trouvais qu'il y avait un langage qui était très, très près des arts visuels. Puis, ce que j'ai proposé comme idée, c'est de réussir à avoir sur ses murs la même qualité qu'il y a dans son assiette. Puis, Louis... J'ai dit, on y va. Oui. Je pense le lendemain, on s'est rappelé le lendemain ou le surlendemain, on s'est croisé quelque part. Même, je pense qu'il y avait une exposition à Galerie 3, puis je suis arrivé à Galerie 3, puis j'ai dit, là, Norbert, ça tient encore, l'entente qu'on s'est fait il y a 2 jours? Puis là, il m'a dit, ouais, ça tient encore. Ben, écoute, finalement, ça a coulé de ça. Ça a bien été. Je pense que, tu sais, Louis et Tania, les deux propriétaires, c'est aussi des gens audacieux, des gens qui aiment s'amuser, qui aiment prendre des risques, des gens ouverts et sensibles. Le match était bon, puis c'est pas quelque chose... J'avais cette idée-là dans la tête de faire ce genre de partenariat-là, mais je voulais trouver des personnes et des lieux qui, pour moi, avait la même qualité que celle de ce que présentent mes artistes. Ça peut avoir l'air prétentieux, mais c'est pas moi qui fais les œuvres. C'est ça, parce que dans le fond, c'est le but n'est pas de tout simplement trouver une place pour accrocher des œuvres. Vraiment, vraiment pas. T'sais, voilà. T'sais, nous, on s'est fait souvent demander de, on peut-tu accrocher des œuvres chez vous, tout ça. Des fois, on disait non, on n'a pas assez de place, tout ça. Mais c'était l'idée de ces œuvres-là font partie prenante du lieu, tu sais, comme celui qui fait à manger, parce que chez nous, il y a quelqu'un qui fait à manger, là, présentement, c'est Gab, ça a été Émile, ça a été Karine, donc c'est chacun qui fait quelque chose, c'est qui développe quelque chose, et là, c'est de mettre la même chose sur les murs, sans que ce soit une galerie, sans que ce soit une exposition non plus, ça fait partie des murs, puis on s'est dit, pour commencer, ils vont faire partie des murs pendant un an, puis après, ce sera d'autres gens, ou peut-être ça va être les mêmes, mais tu sais, ils font ces personnes-là, parce que pour moi, c'est pas juste des œuvres, c'est des gens qui font. Ça fait partie du lieu, à un moment donné. Ça, ils vont vivre avec vous, avec les employés, mais aussi avec les gens qui vont venir manger là-bas, parce que, aussi, je trouve ça intéressant, parce que le concept de ce restaurant-là, peut-être que les auditeurs sont pas au courant, on pourrait l'expliquer un peu, le renard et la chouette, quand on va là-bas, c'est pas un restaurant comme les autres, là, où on attend notre serveur prendre la commande. Donc, il y a ça aussi, je trouve, une belle relation avec ça. Tu sais, le renard et la chouette, on parle d'une buvette, c'est que... Si t'as soif, tu viens au comptoir, on te fait goûter à des choses. Si t'aimes ça, t'en prends. Si t'aimes pas ça, t'en prends pas. Prends si d'autres choses. Oui, c'est ça. Puis si t'as faim, ben viens au comptoir, puis on va te présenter qu'est-ce qu'il y a à manger. Puis quand c'est prêt, ben on vient te le porter. Puis tu sais, au Renard et la Chouette, on travaille sur le frigidaire du pied bleu. C'est qu'est-ce qui reste. Donc si on achète une tonne de carottes d'un producteur, ben il y a des carottes, puis il faut les utiliser jusqu'à la fin du bac, jusqu'à qu'il reste une carotte. Oui. Puis quand il reste plus de carottes, ben on va produire autre chose, on va réaliser autre chose. Puis tu sais, dans l'échange qu'on fait avec l'art, tu sais, je pense qu'il y a ce côté-là, de créer quelque chose. Puis tu sais, je travaille fort avec les gars ou avec les filles qui sont au Renard et la Chouette là-dessus. C'est vous prenez qu'est-ce qu'il y a là, puis vous créez quelque chose avec ça. Puis chacun donne un élan. Tu sais, moi, Karine était beaucoup émotive dans qu'est-ce qu'elle faisait comme nourriture. Émile était tout en finesse, en fraîcheur. Gab, lui, est beaucoup plus rustique dans qu'est-ce qu'il fait, mais chacun s'exprime dans qu'est-ce qu'ils veulent faire, dans qu'est-ce qu'on leur donne comme médium, puis je trouve ça le fun. Puis je trouve, avec l'échange qu'on avait dit, ben c'est un petit peu d'habiller les murs avec des gens qui font ça aussi, puis que sans en parler vraiment. Hein. Là, on en parle, là, mais sinon, que les gens s'en rendent pas compte, que ce soit pas une galerie, qu'il n'y ait pas de prix, puis qu'il n'y ait pas de prix non plus en dessous. On s'éloigne de ce qu'on voit là dans les autres cafés où il y a un artiste qui fait une exposition, il y a des prix. Là, c'est pas ça. Louis s'est engagé à mettre un montant par mois avec ce qu'il va faire qu'à la fin de l'année, il va avoir un budget qui va lui permettre d'acquérir soit certaines de ses œuvres, soit pas du tout. Ça reste flexible, mais le budget est là, tu sais, je veux dire, il y a des artistes au bout du compte qui vont vendre des œuvres là à Louis qui va se monter une collection avec Tania pour ses entreprises, pour ses enfants, pour puis ça, c'est là que c'est nouveau, c'est là qu'il y a quelque chose de différent, puis moi je pense que ça peut amener d'autres choses, c'est intéressant en tout cas. Parce que c'est un geste concret aussi qui est fait, comme on dit. Puis moi, ce que j'aime beaucoup dans cette histoire-là que j'entends aussi, c'est ça, c'est pas une expo, c'est des œuvres qui sont accrochées là. C'est un peu comme un contexte, comme quand on est à la maison puis qu'on a une œuvre sur le mur, on va souper chez quelqu'un, puis finalement, on est là, on est habité avec ces œuvres-là. C'est un peu ça aussi. Puis je me disais, en réfléchissant un peu à notre rencontre, tu sais, c'est le fun parce que on nourrit le ventre quand on va là-bas, mais on va nourrir, je pense, aussi peut-être des discussions, des réflexions aussi là-bas. Oui, mais c'est un peu ça, tu sais. Puis moi, je trouve ça super beau. Comme tu sais, tantôt, vous êtes venu porter une toile avec Mathieu. Tu sais, Mathieu, c'est un client qui vient au Renard et la Chouette. Puis là, c'est la première fois que Mathieu me disait « Hey, salut! » Moi, je m'appelle Mathieu. T'sais, c'est génial. T'sais. Hey, enfin, t'sais, pis t'sais, là, on a une autre connotation. C'est pas juste une relation client. T'sais, il vient de se présenter. Oui. Je trouve ça... Moi, en tout cas, tantôt, j'ai été ému. Mais je comprends. Pis c'est vrai qu'un restaurant, c'est un lieu de discussion. Une table, c'est un lieu de discussion. Puis l'art, c'est aussi ça. En tout cas, ce qu'on va mettre là, c'est sûr que tu sais, on fait une sélection cohérente dans le fait que les gens vont manger avec ça. Je vais pas mettre des affaires qui envahissent l'espace. Non, puis c'est correct qu'on fait un choix, là, c'est pas de la censure, là, c'est juste. Mais on va quand même mettre des œuvres qui questionnent, qui ont des. Par exemple, l'œuvre de Mathieu Vallade qu'on a apporté cet après-midi, c'est un très grand miroir où il y a des espèces de mandalas qui sont faits à partir de logos de compagnies, par exemple McDo, Adidas, tout ça. De loin, on se voit dans un miroir, ça nous reflète notre propre image. Et plus on s'approche, plus on voit cette esthétique-là qu'on trouve très beau. Puis tout d'un coup, on comprend le sens. Puis là, il y a une petite casse. Il se passe quelque chose. Il y a quelque chose, ça nous ferait, ça peut pas nous faire réfléchir. Ouais. Moi, je pense. C'est certain. Et puis, Louis, moi, je voulais avoir l'opinion, justement, de l'autre côté. T'sais, on a l'opinion du galériste, mais qu'est-ce qui vous a incité ou qui vous a fait embarquer dans cette idée-là aussi de dire, ben tiens, tu disais tout à l'heure qu'il y avait déjà des gens qui vous avaient approché, mais là, pourquoi, qu'est-ce qui est venu te chercher ou vous, toi? Toi et Tania, dans cette proposition-là? Ben moi c'est juste de c'est juste de rendre ça accessible, tu sais, que les gens rentrent dans un lieu qui soit pas une galerie, que ça ne ramène pas compte, là, tu sais, qui rentrent quelque part puis qui voient des choses puis que ça leur parle, ou que ça se peut que ça leur parle pas, mais que c'est là. Moi c'est vraiment ça qui m'intéresse. Puis qu'est-ce que je trouve le fun, tu sais, les gars de la galerie 3 sont venus me voir, ils m'ont montré un catalogue, tu sais, ils ont dit hey Louis, tu vas choisir. Oui, c'est ça. Puis, en fin de compte, j'ai dit non, la merde, on choisira pas. C'est que je sais même pas qu'est-ce qu'ils vont installer sur les murs. Okay, c'est eux qui vont choisir. Ça va être une surprise. Puis c'est cette beauté là, tu sais, de moi je crois à l'art en général, que ce soit l'art visuel ou à tout, c'est que c'est moi, c'est juste de rendre ça accessible, puis qu'on le voit, tu sais. Puis je trouve ça le fun, tu sais. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont venir chez nous, tu sais. Je veux pas, tu sais, on est sur un pendant quand même, tu sais, art actuel, art contemporain, ça. Puis ça se peut que ça ne rende même pas compte qu'ils vont boire un vin nature, bio, qu'un gars va travailler quelque chose de le fun, ils vont boire une belle bière de microbrasserie, puis qu'ils vont être enveloppés dans un environnement. Peut-être qu'ils verront pas, mais c'est pas grave, tu sais, il va y avoir un... Il y a une cohérence. Ouais, c'est ça. Ben, bon, c'est ça. On n'est pas juste sur un design de lieu. Non, vraiment pas. Puis non, vraiment pas. Puis ça va changer. Tu sais, c'est pas là pour 5 ans, comme on a dit tantôt. Mm-hmm. L'objectif, c'est que sur plusieurs années, on poursuive cette collaboration-là. Mais c'est très flexible. Tu sais, on va y aller et après ça, on va s'ajuster, on va voir. Il y a peut-être des affaires qui passeront pas pendant tout, que dans ça se peut, là, tu sais, je veux dire, si tout le monde qui va là aime pas une œuvre, à un moment donné, peut-être que dans 2 mois, on va dire, ben, regarde, on n'est pas là non plus pour s'entêter sur des affaires qui marchent pas, mais on verra. Tu sais, tout est tellement ouvert dans ce processus-là. Je pense que c'est ça qui est beau et qui va faire, qui va sortir quelque chose de d'intéressant. Puis c'est un modèle, moi, que j'ai pas vu ailleurs. Puis je pense que, tu sais, en art, on a besoin de nouveaux modèles, puis probablement en restauration aussi. Puis les ponts, tu sais, tout est là aussi. On en parle depuis tout à l'heure. Puis moi, je trouve les liens se font entre autant, on parlait de la nourriture, les arts, là, on parle des producteurs aussi, les gens avec qui vous travaillez, tu sais, tout est dans tout, hein, en quelque sorte. Tout se recoupe, finalement. Et puis, c'est, je pense, pour offrir une expérience qui va être à la fois marquante, hein, pour les gens qui vont y aller. Même si certains s'en rendront pas compte, ben, il y en a d'autres pour qui ça va peut-être être comme, ah, wow, tu sais, il va s'être produit quelque chose, tant au plan culinaire qu'au plan visuel. Fait que c'est vraiment, c'est tout est cohérent dans ce sens. Oui, tu sais, moi, je veux que le monde y vienne, puis ils ont même le droit de rentrer sans consommer, hein. Ils peuvent juste aller aux toilettes, hein, parce que, tu sais, la toilette est et pas juste pour les clients chez nous, tu sais. Si t'as envie, pipi, généreux. Tu peux rentrer quand même. C'est généreux. Puis, tu sais, tu peux regarder en même temps, tu sais. Super. Eh bien, vraiment, bravo pour ce nouveau partenariat-là. Puis, je pense que ça on n'aura pas le choix de faire un détour par le Renard et la Chouette prochainement. Donc, l'accrochage qui va se faire Ben, moi, je vais accrocher demain. Puis, à partir de la semaine prochaine, le restaurant. Ouais. Oh, tu rouvres quand, Louis, là? Je sais pas encore. On est pas mal en réno. Entre le 22 et le 24. OK. De toute façon, on va annoncer. Puis, j'imagine, là, on s'en parle en parlant en même temps. Puis, on s'en est pas parlé avant, mais on va sûrement faire un petit événement, Louis. Oui. Pour inviter Audrey, puis c'est lui qui met la mise en onde, c'est quoi son nom? Ah, c'est Jacques. Jacques, bienvenue aussi. Moi, je l'ai en pleine face. Bon, ben, merci beaucoup d'être à tous les deux d'être venus nous parler de ça, puis on va faire un détour. Autant par la Galerie Toi qui a un vernissage ce vendredi. Cooksasville, les délinquants de l'art visuel. Oui, Cooksasville, si vous ne le savez pas, c'est la rencontre, les deux serres tout proches du centre Vidéotron, justement, cette grande sculpture qui fait beaucoup jaser, ben, c'est le temps de les découvrir en galerie, de voir ce qu'ils peuvent nous proposer. C'est du bon travail. Ça vaut le coup. Venez faire un tour. On va s'amuser. Parfait. Vendredi. Puis Louis va être là en plus. Parfait. Ben, merci à vous deux. Alors, nous, on va faire une pause audio et on revient avec Héloïse Plamondon-Pagé. On poursuit cette émission en compagnie de notre chroniqueuse Héloïse Plamondon-Pagé, mais comme je vous disais, qui est artiste aussi et qui présente en ce moment l'air du temps à Engramme. Bonsoir Héloïse. Bonsoir Audrey. Alors, on avait envie de parler quand même de cette exposition-là, ici que tu présentes, une exposition toute personnelle, en intimité, avec un membre de ta famille. Je te laisse nous glisser un petit mot sur ce que tu nous présentes, l'air du temps. Oui, bien, l'air du temps, en fait, je présente un peu un portrait de ma grand-mère, Marie-Claire, qui a perdu la mémoire au fil des années. Donc, c'est un peu de manière très personnelle, là, j'ai abordé le thème de la perte de mémoire dans une installation puis une vidéo qui sont installées à Engramme. Oui, et dans le fond, ça se traduit notamment par cette installation-là dans l'espace. C'est des impressions sur textile, des photographies, je pense. Oui, j'ai recensé des photographies d'archives familiales qui présentent ma grand-mère, dans le fond. Donc, c'est à partir... ma grand-mère est née en 1923, donc c'est des photographies, ça part de 1929 quand elle avait 6 ans. Puis de couche en couche, elle vieillit. Puis les couches se superposent un peu comme un oignon, en fait. Donc, l'idée qu'on est construit par nos expériences de vie et tout, donc, puis qu'on vieillit dans le temps comme ça, donc comme des strates de temps qui sont arrêtées. Puis les couches se superposent, puis à un moment donné, quand arrive le moment où elle a commencé à perdre la mémoire, son visage se fond dans le noir et se fragmente également. Mm-hmm. Donc, d'un autre point de vue, ça devient plutôt chaotique, un peu à l'image de la fragmentation de son esprit, en fait. Là. Ouais. Oui, et quand on dit les couches se superposent, finalement, ce sont des images qui sont placées dans l'espace, les unes derrière les autres. Donc, on peut quand même voir, dépendamment, il faut se déplacer pour bien voir aussi ces images-là. Oui, puis il y a tout ce rapport au corps-là. Moi, je travaille beaucoup l'installation aussi. J'imprime en sérigraphie sur un voile géotextile semi-transparent. Puis j'aime beaucoup ce rapport au corps du spectateur parce que à cause de la distanciation des couches qui sont suspendues dans l'espace, il y a tout un jeu de perspectives aussi, ce qui amène le spectateur à bouger autour de l'installation holographique pour voir les différents points de vue. Puis comme la matérialité du tissu permet seulement de voir à travers trois ou quatre couches, bien forcément qu'il faut jouer avec l'œuvre puis tourner autour pour arriver à voir les portraits subséquents puis un peu à découvrir cette œuvre-là. Ouais. Mm-hmm. Et c'est ça, on commence avec des images pleines, si je peux dire, en une seule feuille. Puis comme tu l'évoquais, après ça, vers la fin, ce sont des petites bandelettes mm-hmm. qui finalement nous font... De rendre le tout un peu flou, comme on disait, selon l'esprit de, dans le fond, ce qui se passe dans la tête de ta grand-mère. Exact. Ben c'est, je voulais vraiment trouver une façon de parler de la perte de mémoire, un peu de la fragmentation de l'esprit qui soit assez efficace, mais t'sais, aussi t'sais, qui parle, mais qui soit très sensible. Mm-hmm. Puis avec ce matériau-là qui est tout léger puis qui flotte comme ça dans l'espace, ouais, c'est... C'est ça. Oui, puis est-ce que je me demande par rapport au vernissage, quand il y a beaucoup de gens dans l'espace, ça reste un matériel qui est volatile, hein, mm-hmm. tu sais, qui bouge avec oui. Le mouvement de l'air dans l'espace. Est-ce que ça s'est mis à bouger beaucoup aussi pendant? Oui, surtout ouais, durant le vernissage, il est venu vraiment beaucoup de personnes. Moi, j'étais très très touchée là par la présence de tous ces gens, mais effectivement, donc il y avait beaucoup de mouvements, puis à un moment donné, ça m'a fait quelque chose parce qu'Armelle, la directrice mm-hmm. d'Engramme. À la fin du vernissage, elle m'a dit « Mais Hello, t'as-tu vu ce qui s'est passé avec ton œuvre? » Puis là, j'ai dit « Ben là, je sais pas trop, tu sais. » Puis elle a dit « Je te jure, on dirait qu'elle s'est animée. On dirait que le personnage a pris vie puis qu'il était vraiment avec nous comme une grosse réunion de famille. C'était spécial. » Mais oui, tu sais, effectivement, que ces couches-là qui sont suspendues dans l'espace sont tellement légères qu'ils réagissent à l'environnement. Puis des fois, dans d'autres salles d'exposition, ça a été juste... quand le plafond est très haut, les fils qui suspendent sont très, très longs. Et ça fait que l'œuvre réagit encore plus à l'environnement parce qu'elle est loin de son point d'ancrage. Puis juste des fois, avec la ventilation, là, ça flotte puis ça bouge constamment. Donc, ça rend comme une certaine vie à l'installation. Oui. Et en complément à cette installation-là, il y a aussi une vidéo que tu présentes. Oui, oui, c'est ça. En fait, moi, bon, comme j'ai dit, je travaille beaucoup l'installation en couches superposées et tout, mais pour ce sujet-là précis, j'avais envie d'aller plus loin un peu dans mon exploration du thème. Puis j'ai eu le sentiment qu'il fallait que je la filme, en fait. Mais sans nécessairement penser à faire quelque chose avec ces images-là après, ou tu sais, j'avais jamais travaillé la vidéo nécessairement. Puis donc, mon approche était complètement différente de quand je travaillais mes installations, c'est-à-dire que je me rendais à sa chambre où elle était à son foyer, puis je posais la caméra, tu sais, je cadrais comme un beau cadrage, un peu avec un œil photographique, mm-hmm. je laissais tourner, puis nous, ben, on vivait, puis il se passait ce qui se passait, peu importe. Ce qui fait que après coup, j'ai eu des heures et des heures d'images. Puis, à un moment donné, c'est ça, j'ai décidé de mettre comme deux images en diptyque en me disant que ça pourrait peut-être donner un diptyque photographique intéressant. Mais avec les dialogues en background, là, je me suis aperçue qu'il y avait vraiment une autre dimension qui était super intéressante aussi. Puis, de fil en aiguille, je me suis mis à faire le montage vraiment en une courte période de temps. Ça a été super intense, mais ça s'est comme construit tout seul. Mm-hmm. Puis en fait, la vidéo, ça, encore une fois, c'est un peu un portrait de ma grand-mère, mais avec les dialogues et tout, c'est davantage un portrait de notre famille, puis des liens mm-hmm. entre les femmes de ma famille aussi, les rôles inversés, tu sais, la mère qui est redevenue comme une petite fille, la fille qui est ma mère qui prend soin de sa mère comme si c'était sa fille, puis c'est une vidéo qui est très touchante au final, puis je pense qui parle beaucoup aux gens qui l'écoutent, ouais, parce que encore une fois, j'avais pas estimé cette dimension-là, mais tu sais, moi, de parler de ma famille, ben c'est un peu de parler de toutes les familles ou de toutes les grand-mères ou de... Ben c'est parce qu'on en connaît tous soit dans notre famille proche ou la famille de quelqu'un qui est un ami ou autre, ouais. Qui arrive, qui vit cet événement, un événement comme ça. Puis je pense que ça amène beaucoup d'humanité aussi, parce que oui, l'installation, elle est là, c'est photographique, mais je pense que la vidéo vient ajouter une couche tout d'humanité aussi. Vraiment, c'est ça. Puis aussi, mais par la contemplation de fragments de vie par-ci, par-là, c'est juste vrai comme vidéo, puis c'est ça. D'une grande simplicité, mais une grande beauté aussi. Alors, merci beaucoup, Héloïse, de nous avoir présenté cette exposition. On le rappelle, qui est présentée à Engram jusqu'au 11 février. Ça vaut vraiment le détour. Merci beaucoup, Héloïse. Bien, merci. Alors, nous, on va... tout de suite passer à l'agenda de la semaine, parce qu'il y a quelques événements à souligner. Demain, il va y avoir le 1 millionème 55e anniversaire de l'art qui va être célébré au lieu. C'est un lancement de livre « Septième sens » de Touva. Et il y a aussi la présentation de la résidence de l'artiste Christian Bugeau. Il y a des visites personnalisées aussi des artistes qui se trouvent dans les ateliers du lieu, donc que vous allez pouvoir rencontrer. Et il y a aussi une animation musicale qui est proposée. Et ça, c'est dès 17h demain, donc à ne pas manquer si vous avez envie de célébrer l'art. Sinon, jeudi 18 janvier, à la Galerie des arts visuels, on rappelle, c'est banc d'essai dès 17h. Et au même moment, de l'autre côté du fleuve, il y a le double vernissage de particules élémentaires, le projet de maîtrise de Marie-Ève Fréchette, qui est présenté à Regard. Et il y a Fanny Ménard, qui a été invitée par l'artiste, donc, qui présente le cabinet dans la vitrine des membres. C'est à compter de 17h aussi, et en même temps pour une bonne partie de la soirée. Vendredi, il y a du côté de Materia, l'exposition « Holos » de Claude-Olivier Gay, qui est présenté en 5 à 7, et bien sûr, Cooksasville, dès 17h30, à la Galerie 3, que vous pourrez découvrir. Et à partir de lundi prochain, il va être possible de visiter l'exposition « Au lieu de » d'Anne-Marie Bélanger à Espace Parenthèse. Le vernissage devrait se tenir probablement le jeudi suivant. On vous en redonne des nouvelles. Eh bien, on termine cette émission de l'aérospatiale, et je vous invite à nous suivre sur notre page web, l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com, mais aussi sur les réseaux sociaux, notre page Facebook et notre Instagram. Vous pouvez rattraper cette émission en balado-diffusion sur notre page web ou sur le site de CKRL. Un grand merci à tous mes invités, les artistes de bande d'essai, Héloïse, Norbert et Louis qui sont encore en studio avec nous. Et bien sûr, merci à Jacques Gignac qui assure la mise en onde à chaque semaine de cette émission. Demeurez à l'écoute de CKRL, car de l'autre côté de la pause, Pierre Blais et toute son équipe vous attendent à la ligne quasi pour l'émission Situation critique. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, mardi 17h30. Au revoir. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. CKRL Votre pays est envahi par la corruption et les gangs criminels. Vous devez vous sauver. Vous devenez un migrant. Vous vous renseignez sur les trajectoires à emprunter et les sommes d'argent requises pour payer les droits de passage. Angoissé comme vous ne l'avez jamais été, vous attendez un train qui vous mènera peut-être vers une nouvelle vie. Mais il faut échapper aux agents migratoires et réussir à traverser les frontières américaines avant que Trump se fasse élire. Destieros. Un documentaire qui donne une voix et un visage à ceux qui sont, bien trop souvent, anonymes. À l'affiche au Cinéma Quartier, dès le 19 janvier. En janvier, au Cinéma Le Clap, 13 nouveautés, dont Molly's Game, dès le 5 janvier, The Post et The Disaster Artist, dès le 12 janvier. Hochelaga Terre des Âmes, dès le 19 janvier. Téhéran Tabou et les scènes fortuites, dès le 26 janvier. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma! Halloween 95. Au lendemain du référendum, Linda pleure la face écrasée dans ses roulées au Cheese Whiz. Halloween 2004. L'ex-mari de Linda et son nouveau copain s'unissent en toute légalité dans leur déguisement de sel et poivre. Halloween 2012. La blonde, la fille de Linda, s'arrache les cordes vocales dans sa tête d'anarcho-panda avec son carré rouge épinglé sur le cœur. Halloween 2017. Made in Beautiful, la belle province d'Olivier Artaud. Au théâtre Premier Acte du 23 janvier au 3 février 20h, samedi 3 février 15h. En direct de la Ninkasi Saint-Jean, voici Situation Critique. Hard copy, right?